bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, encore une petite nouvelle d'Edgar Keret, écrivain donc israélien, cinéaste. Il est chevalier des arts et des lettres. Et son écriture est un peu absurde, humoristique. Peut-être pas trop cette nouvelle-ci. Hein. Donc je vais quand même vous la raconter parce que je l'ai trouvée très jolie. Voilà. Matin santé. Depuis qu'elle était partie, il s'endormait chaque nuit à un endroit différent. Sur le canapé, sur un fauteuil du séjour, sur la natte de la terrasse, comme un SDF. Le matin, il tenait à prendre son petit déjeuner à l'extérieur. Même les prisonniers ont une fois par jour le droit de faire un tour dans la cour de la prison. Au café, on le mettait toujours à une table pour deux, avec une chaise vide en face de lui. Toujours. Même quand le serveur lui demandait s'il était seul. Les gens étaient assis par deux, par trois. Ils riaient, piquaient dans les assiettes l'un de l'autre, se battaient pour payer l'addition. Mais Miron était seul. Il prenait son petit déjeuner matin santé, qui comprenait un jus d'orange, un bol de muesli avec du miel et un double express décaféiné avec du lait chaud écrémé dans un pot. Bien sûr, il aurait préféré avoir quelqu'un avec qui rire, insister, se battre pour payer l'addition, tendre le billet à la serveuse et dire « Ne prenez pas le sien, laisse tomber, Avi, c'est mon tour cette fois-ci. » Mais il n'avait personne. Et le petit déjeuner en solitaire valait 100 fois mieux que de rester à la maison. Miron observait les tables des autres. Il guettait les conversations, lisait le supplément de sport du journal ou vérifiait avec un intérêt détaché et énigmatique le comportement des actions israéliennes à Wall Street. Quelqu'un s'approchait de lui et demandait la permission de prendre une partie du journal qu'il avait déjà lu. Miron hochait la tête et s'efforçait de sourire. Et une fois, quand une jeune mère sexy s'approcha de lui avec un bébé dans une poussette, il renonça pour elle à la première page où s'étalait un gros titre en rouge sur un viol collectif dans la région de Sharon et lui dit « Vous voyez dans quel monde fou nous élevons nos enfants ?» Il était sûr que la phrase avait de quoi les rapprocher dans un sentiment de destin commun. Mais la mère sexy lui lança un regard distant, un peu furieux, et prit aussi le supplément santé sans même lui demander la permission. C'était un jeudi. Un homme gros et en sueur entra dans le café et lui sourit. Miron fut surpris. La dernière personne à lui sourire juste avant de le quitter avait été Mahayan. Il y avait 5 mois de cela et le sourire était cynique, tandis que celui du gros était doux, presque désolé. Il fit un geste comme pour demander la permission de s'asseoir. Et Miron acquiesça, presque sans y penser. Le gros s'assit et dit « Excuse-moi, Rouven, je suis affreusement en retard. Je sais que nous avions rendez-vous à 10 heures. » Mais la petite nous a fait tout un cirque ce matin. » Miron sentit que c'était le moment de dire au gros qu'il n'était pas Rouven. Mais il se surprit en train de regarder l'heure et de lui dire « 10 minutes, c'est rien !» Après quoi, ils restèrent silencieux une seconde. Et Miron demanda si la petite allait bien. Le gros dit que oui, qu'elle venait de changer de jardin d'enfants et que le matin, les séparations étaient difficiles. « T'en fais pas, s'interrompit le gros, t'as assez de soucis comme ça. Changeons de sujet. Parlons business. » Miron s'inspira profondément et attendit. « Écoute, dit le gros, 500, c'est trop. Fais-le-moi à 400. Tu sais quoi ? « Va pour 410 et je m'engage à t'en prendre 600. »« 480, dit Miron. « Je te le laisse à 480, à condition que tu m'en prennes 1000. »« Écoute, dit le gros, le marché se casse la gueule, on est en crise. »« Pas plus tard qu'hier, j'ai vu à la télé des gens fouiller dans les poubelles pour manger. Si tu ne lâches pas, il faudra que je vende cher. Et si je vends cher, personne n'achètera. T'en fais pas, dit Miron. Pour trois qui mangent dans les poubelles, il y en a un qui roule en Mercedes. La dernière phrase fit rire le gros. On m'a dit que tu étais un dur à cuire, grogna-t-il en souriant. Je suis comme toi, protesta Miron. J'essaye de survivre. Le gros essuya sa main moite sur sa chemise et l'attendit à Miron. Top là, 460 et je t'en prends 1000. Et voyant que Miron restait de glace, il ajouta. 460 000 pièces et je te le revaudrai. Voilà, Rouven, tu sais bien que sur le marché, un service vaut plus cher que l'argent. La dernière phrase finit par convaincre Miron de serrer la main qui lui était tendue. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui devait un service. Quelqu'un qui le prenait pour un certain Rouven. Pourquoi pas, après tout. Et à la fin du petit déjeuner, quand chacun insista pour payer l'addition, Miron sentit une vague de chaleur se répandre dans son ventre. Il devança le gros d'une fraction de seconde et glissa un billet froissé dans la main de la serveuse. À compter de ce jour-là, la chose devint presque une routine. Miron s'installait, passait sa commande, attendait avec intérêt tout nouvel arrivant au café, et si ce dernier passait entre les tables avec un regard interrogateur, il n'hésitait pas à lui faire un signe de la main pour l'inviter à s'asseoir à sa table. « Je ne veux pas que nous finissions au tribunal », lui dit un chauve avec d'épais sourcils. « Moi non plus », dit Miron, « mieux vaut toujours s'arranger à l'amiable ». « Sache que je ne peux pas faire des gardes de nuit », déclara une frisée aux lèvres botoxées. « Alors tu veux quoi, grommelon à Miron, que tout le monde soit de nuit, sauf toi ?»« Gabi m'a prié de te dire qu'il est désolé », dit une autre avec une boucle d'oreille et une mauvaise haleine. « S'il est vraiment désolé, se fâcha Miron, qu'il vienne le dire lui-même au lieu d'envoyer des émissaires. » Dans les mails, tu faisais plus grand, se plaignit une rousse maigrichonne. Dans les mails, tu faisais moins la difficile, lui balança Miron du tac au tac. Et tout finit par s'arranger. Avec le chauve, ils arrivèrent à un compromis sans passer par le tribunal. Pour faire sa nuit de garde, la botoxée accepta de confier ses enfants une fois par semaine à sa sœur. La boucle d'oreille promit que Gabi appellerait et la rousse et lui décidèrent d'un commun accord qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Les uns payèrent l'addition de Miron, il en paya d'autres et ils payèrent moitié-moitié avec la rousse. Tout arrivait avec tant de surprises et d'allant que si d'aventure personne ne s'asseyait à sa table, Miron éprouvait une légère tristesse. Mais heureusement, cela ne se produisait pas souvent. Environ 2 mois après l'apparition du gros en sueur qui s'était assis à sa table, le boutonneux entra dans le café. Malgré ses boutons et son âge, il paraissait avoir au moins 10 ans de plus que Miron, c'était un bel homme, plein de charme. Aussitôt assis, il dit « J'étais sûr que tu ne viendrais pas. » « Mais nous avions rendez-vous, » répondit Miron. « Oui, » dit le boutonneux avec un sourire triste, « mais après tout ce que je t'ai dit au téléphone, j'ai eu peur que tu te dégonfles. »« Eh bien, me voilà, » ricana Miron, presque provocateur. « Je regrette d'avoir crié au téléphone, » s'excusa le boutonneux. « Vraiment, j'ai perdu mon sang-froid, mais je ne retire rien de ce que j'ai dit. Tu m'entends ? Je te demande de cesser de la voir. » « Mais je l'aime !» dit Miron d'une voix étouffée. « Il y a des choses qu'on aime et auxquelles on est obligé de renoncer, » déclara le boutonneux. « Écoute les conseils d'un aîné. Il faut savoir renoncer parfois. »« Je regrette, mais je ne peux pas !» dit Miron. Tu peux, s'énerva le boutonneux. Tu peux et tu y renonceras. Tu n'as pas le choix. Nous l'aimons tous les deux, mais il se trouve que je suis aussi son mari. Et je ne te laisserai pas détruire mon foyer, tu m'entends. Miron hocha la tête. Tu ne sais pas la vie que j'ai eue toute l'année passée, dit-il au mari. Un enfer, pire même que l'enfer, un gros paquet de rien pourri. Et quand on vit longtemps avec rien et que brusquement quelque chose arrive, on ne peut pas lui dire non. Tu comprends, n'est-ce pas ? Je sais que tu me comprends. Le mari se mordit la lèvre inférieure et dit « Si tu la revois une seule fois, je te tue. Je ne plaisante pas, tu le sais. » « Tue-moi, » dit Miron en haussant les épaules. « Ça ne me fait pas peur, on finira tous par mourir. » Le mari se pencha par-dessus la table et planta son poing en plein visage de Miron. C'était la première fois que quelqu'un le frappait aussi fort. Miron ressentit une douleur aiguë et chaude partir du milieu du visage et rayonner tout autour. Il se retrouva en un clin d'œil par terre, avec le mari au-dessus de lui. « Je vais l'emmener ailleurs !» cria le mari en le bourrant de coups de poing dans les côtes et le ventre. « Je vais l'emmener dans un autre pays et tu ne sauras pas où. Tu ne la reverras plus, tu m'entends. Espèce de pourriture !» Deux serveurs parvinrent à maîtriser le mari et à l'éloigner de Miron. Quelqu'un cria au barman d'appeler la police. La joue sur le sol froid, Miron vit le mari s'éloigner en courant. Un des serveurs se pencha sur lui et lui demanda comment il allait. Miron essaya de répondre. « Vous voulez que j'appelle une ambulance ?» demanda le serveur. « Non, » chuchota Miron. « Vous êtes sûr ?» insista le serveur. « Vous saignez du nez ?» Miron hocha lentement la tête et ferma les yeux. Il essaya de toutes ses forces de s'imaginer avec cette femme qu'il ne reverrait plus jamais. Il essaya et y parvint presque. Son corps tout entier était endolori. Oh, il se sentait vivant. Eh bien, voilà, voilà. Hein, une histoire de solitude un petit peu comblée, finalement. Donc, la solitude, ça n'existe pas. Je vais vous laisser avec cette très jolie chanson et à tout bientôt sur Radio Gamozo, 107 FM. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Chez moi, il n'y a plus que moi. Et pourtant, ça ne me fait pas peur. La radio, la télé sont là pour dire le temps et l'heure. J'ai ma chaise au café des sports. J'ai mes compagnons de flipper. Et quand il fait trop froid dehors, je vais chez les petites sœurs des cœurs. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques paladins, quelques fous, quelques poètes dépassés. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un, il y a toujours une société. Quand ce n'est pas fait pour les chiens, le club méditerranéen, la solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça ça n'existe pas. Tu te trompes, petite fille, si tu me crois désespérée. La nature a horreur du univers, t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller à White, à Woodstock ou ailleurs, et y retrouver des milliers qui sentent pour avoir moins peur. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas.